Ses clous pour mieux manger, tomber de sa cheminée, amener mamie au ciné, penser à boire tout le thé, rigoler sous un vieux pommier, acheter 20 litres de lait, faire des frites avec ses pieds. Lundi que l'on peut faire mieux, je dis que c'est déjà bien, on pourrait vendre 10 essieux, mais ça me dit trop rien. Lundi que l'on peut faire mieux, je dis que c'est déjà bien, on pourrait vendre 10 essieux, mais ça me dit trop rien. Frôler un cheval de pré, couper des fleurs des citronniers, planter la terre dans le blé, changer les photos en trophées, chercher des poux sous les éviers, ramoner des carottes râpées, déguster des sorbets salés. Lundi que l'on peut faire mieux, j'ai dit que c'est déjà bien, on pourrait vendre 10 essieux, mais ça me dit trop rien. Lundi que l'on peut faire mieux, j'ai dit que c'est déjà bien, on pourrait vendre 10 essieux, mais ça me dit trop rien. Imaginer un monde pas fait, jouer à trois aux osselets, tricher au tarot sans pleurer, repasser son jean délavé, oublier par cœur l'alphabet, ça me l'a dit et ça me l'a fait, mais ça me dit pas grand chose, ça me l'a dit et ça me l'a fait, mais ça me dit pas grand chose, ça me l'a dit et ça me l'a fait, mais lundi que l'on peut faire mieux, j'ai dit que c'est déjà bien, on pourrait vendre 10 essieux, mais ça me dit trop rien. Lundi que l'on peut faire mieux, j'ai dit que c'est déjà bien, on pourrait vendre 10 essieux, mais ça me dit trop rien. Mais ça me dit trop bien, on peut vendre 10 essieux, mais ça me dit trop bien.